ambiance. Convenier, ambiance. Convenier, ambiance. Nababet. Ambiance à motema, ambiance à bolingo, ambiance à l'amour et palmo, salananou, ambiance, tolongola, mawa, moke, ambiance à motema, ambiance à bolingo, ambiance à palmo, la boga wangai chéri mama, texte wangai kale palmo, la loli en moana palmo, yaka n'ambiance. Oh Elingi, oh Elinginga, Tuna Janet, oyo mama, Bolingo Janet la boga, Kale Kato. Kalela boga, jana kato. Oh, ata okeyo banzaga, ato zali banzaga. Bolingwe zali sukate, kale kato. Marco Cabondo, Jano Cato, oh, ata okeyo banzanga, ato zali banzatenga, bolingwe ta isukate, Marco Cato.